Chapitre 7. 2161, année Hupléenne. Sur le Résarque, toutes les planètes connues pouvaient être visitées virtuellement et gratuitement via une simulation. Le rendu était excellent et on avait la réelle sensation d'être sur place, si bien que presque plus personne ne voyageait. Pour éviter les inconvénients des trajets trop longs d'un monde à l'autre, les gens se contentaient de visiter les planètes depuis leur implant. Ils ressentaient la chaleur ou la fraîcheur de l'atmosphère du monde comme s'ils y étaient. Ils pouvaient également visiter des planètes dont la composition leur était inhospitalière, sans avoir à porter un scaphandre. Une visite virtuelle de la planète Émeraude tentait Ormain. Depuis son implant, il pouvait accéder à une simulation de toutes les planètes répertoriées et se faire une idée des lieux. Zélé disait qu'il était impossible que la planète Émeraude fût son point de départ. Mais elle ignorait à quoi son monde ressemblait. Bien sûr, Ormain ne venait pas d'un monde désolé comme cette planète Émeraude semblait l'être. Toutefois, il ne croirait jamais que sa perte de connaissance lui avait fait perdre toute notion de temps, et qu'il n'avait pu dériver dans l'espace des jours entiers, avant de s'écraser dans le cratère vert. Il était certain que son voyage avait été rapide. Que Zélé l'admette ou non, cela lui était égal. Bien qu'elle soit approximative, la maîtrise de son implant lui permettait toutefois d'accéder aux simulations et de les lancer. Et il n'allait pas se retenir sous l'unique prétexte que Zélé pensait qu'il se fourvoyait. Les arguments qu'il avait avancés auprès de la princesse ne lui paraissaient pas si incongrus. Ormain utilisa son implant du mieux qu'il lui fut possible pour récupérer le plus d'informations existantes sur la race Hupléenne, ses origines, son évolution sur Hupléas, son histoire, si jamais une date de colonisation était indiquée quelque part. À en croire tous les documents qu'il trouva, les habitants de la planète Hupléas, communément appelée Hupléens, appartenaient à l'espèce Niphienne et étaient natifs de cette planète. Aucune colonisation ne figurait nulle part. Ormain demanda à accéder à la visite virtuelle de la planète Émeraude. Son éventuel Nikéas. Un message d'avertissement l'empêcha de directement accéder à la simulation. Attention, cette planète n'est pas viable. Ceci n'est qu'un simulateur. Rien de ce que vous ressentirez ne sera réel. Cependant, certaines personnes peuvent être sujettes à des malaises lorsqu'elles sont exposées à des simulations d'atmosphère et d'environnement nocifs à leur organisme. L'éditeur de ce simulateur ne pourra être tenu en rien responsable des dommages subis par le manque de vigilance de l'utilisateur. Continuez. Oui, non. Après confirmation, il fut demandé à Ormain de saisir les coordonnées de son point d'ancrage. Comme il ne savait à quel endroit il vivait sur sa planète, il passa l'étape pour choisir un point sur le planisphère qui lui était proposé. Là encore, la carte ne lui évoquait rien. Comment aurait-il pu connaître la forme des continents et sur lequel d'entre eux il avait vécu? Sa sélection fut hasardeuse. Chargement de la simulation en cours. L'utilisation de l'implant lui demandait une telle concentration qu'Ormain abandonnait totalement son corps. Ce dernier devait être étalé, inerte, sur le sol, à l'heure actuelle. Le temps que la simulation termina de charger et que le monde prit forme pour envahir Ormain comme si tout se construisait réellement autour de son être, il ferma mentalement les yeux. C'était un sentiment étrange que d'être conscient d'avoir ses paupières déjà closes et de pouvoir tout de même, avec sa pensée et l'implant, voir, et d'être encore capable de fermer une seconde fois les paupières de son esprit pour être dans le noir. Chargement terminé. Avertissement, atmosphère non respirable, ceci n'est qu'une simulation. À peine se fut-il retrouvé dans la simulation, qu'Ormain ne put s'empêcher de porter sa main à son front pour protéger ses yeux du vent violent et assourdissant chargé de poussière qui balayait la plaine, où il s'était retrouvé projeté. Ses pieds reposaient sur un sol rocheux, dur, dans lequel il avait l'impression d'être enraciné. Les pierres étaient grises, et il n'y avait rien à perte de vue. L'atmosphère poussiéreuse empêchait de distinguer la ligne d'horizon, mais il lui semblait bien qu'il n'y avait aucun relief, ni montagne, ni crevasse. Quand il leva les yeux au ciel, Ormain ne vit rien d'autre qu'un amoncellement de nuages bas verts. Aucun rayon de lumière ne filtrait. Quand le visiteur voulut faire un pas en avant, il dut rassembler ses forces pour parvenir à soulever son pied. Il s'avança péniblement dans ce désert et marcha jusqu'à ce que la fatigue le gagnât. La poussière l'empêchait de respirer correctement et il tomba à genoux, secoué par une quinte de toux. Il s'asphyxiait à tousser de la sorte, et il se désespérait à choisir une direction qu'il aurait pu suivre. Il n'y avait rien d'autre que l'immensité du vide autour de lui. dans le rugissement du vent, il entendit une voix appeler son nom. Le timbre ne lui parut pas immédiatement clair, mais il finit par identifier la voix mélodieuse de Zélé. Il se releva et parcourut dans une démarche chaotique tout l'espace autour de lui à la recherche de la princesse. Sa voix était un écho lointain, qui devenait de plus en plus intelligible en même temps que le vent se calmait. La voix de Zélé se fit encore entendre et elle semblait provenir du ciel. Ormaïn cria son nom, paniqué et bras tendus vers les nuages. Il lui sembla alors que cette voix ouvrait une porte de sortie dans son esprit et il se concentra pour s'y cramponner comme à une main tendue. Le sol s'ouvrit sous ses pieds, il tomba alors dans le vide et se retrouva plongé dans la nuit. Simulation interrompue. Tu m'entends, Ormaïn ? Qu'es-tu en train de faire ? Réveille-toi, Zélé ! Ormaïn ouvrit les yeux alors que Zélé le tenait par les épaules. Il était fébrile et à bout de souffle. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Où suis-je ? » demanda Ormaïn paniqué. « Tu es dans l'oasis avec moi ? Que faisais-tu ? Tu avais l'air de t'étrangler ! » expliqua Zélé. « L'oasis ?» Ormaïn ne comprenait pas. « Que faisais-tu sur le Rézarque ?»« Le Rézarque, j'étais... » tenta d'expliquer Ormaïn. « Prends le temps de respirer et calme-toi. Tu m'expliqueras quand tu auras retrouvé tous tes esprits. » lui dit Zélé. Il fallut près d'une heure à Ormaïn pour regagner son calme, et il nagea même jusqu'au siphon où il avait appris à Zélé à respirer sous l'eau pour se tenir en sécurité. Il touchait les parois humides comme pour se convaincre qu'il n'était plus perdu dans ce désert. Leur voix résonnait dans la grotte alors qu'Ormaïn faisait le récit de son excursion virtuelle et que la princesse lui faisait part de son indignation. « Tu n'es pas prêt pour jouer à des simulations, Ormaïn. Tu n'es implanté que depuis quelques jours, c'est trop dangereux. » Voilà ce qui arrive sinon. C'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ton esprit n'est pas apte à bien recevoir l'information et tu n'adhères pas du tout à la simulation, soit tu y pénètres trop et tu ne fais plus la distinction. C'est tout le risque de visiter une planète avec une atmosphère non viable. Tu as failli mourir par suffocation. Je voulais savoir si cette planète émeraude était manichéasse, répondit Ormaïn. C'est insensé, lui dit Zélé. Pourquoi est-ce que ça te paraît insensé? Pourquoi Nikéas ne pourrait-elle pas être ta planète émeraude? Lui dit Ormaïn. « Ce n'est pas cela que je trouve insensé, » indiqua Zélé. Qu'est-ce alors ? Je trouve insensé que tu aies visité la simulation de la planète Émeraude pour vérifier qu'il s'agissait ou non de ta planète. »« Je ne comprends pas, » répondit Ormaïn. « Il est indiqué sur le Rézard que c'est une planète impropre à la vie. Il est évident que c'est ce que sa simulation retranscrira. Tu t'attendais à quoi ? À lire partout que l'atmosphère est chargée en dioxyde de soufre et en acide sulfurique ? Tu croyais débarquer ? Au beau milieu d'un monde au ciel dégagé et oxygéné à l'air limpide, lui lança Zélé. Ne te moque pas de moi, s'énerva Ormaïn. C'est bien la première fois que Zélé l'entendait utiliser un ton cassant avec elle. Ormaïn la fixait d'un regard dur, ce qui eut pour effet de la radourcir, et elle lui sourit. Tu ne me laisses pas le choix. Je te prie de m'excuser. Je sais que c'est important pour toi de retrouver d'où tu viens, et sache qu'il en est de même pour moi. Nous retrouvons ta planète, mais pas de cette manière. Ils se tenaient par la main quand ils regagnèrent la rive de l'étendue d'eau, où Goba les attendait. Zélé surprit le Bolwolko la tête dans l'eau à guetter leur retour, quand il n'était plus qu'à quelques battements de jambes de la surface. Il n'y a qu'avec toi que je fasse preuve d'autant de vivacité. D'habitude, mes conversations sont plates et accentuées d'intonations entendues. J'ai l'impression de vivre quand je t'entends et quand je te réponds. C'est étrange. T'as toujours été si stoïque jusque-là. Je n'en étais jamais rendu compte, mais maintenant... « Je ne pourrai plus me passer de ta conversation, » lui confia Zélé. « Tu sembles pourtant proche de ton ami Mimicha, » lui répondit Ormaïn. « C'est vrai. Cependant, nous ne sommes pas à égalité. J'entends par là qu'elle m'a élevé, qu'elle appartient à la génération précédente, et que je ne peux m'empêcher d'appréhender ses réactions sur certains faits. Que nous le voulions ou non, il subsiste une certaine pudeur. « Et pas avec moi ?» demanda Ormaïn. « Non, pas avec toi. » Un immense sourire pendait le visage de Zélé en même temps qu'elle le dévorait de ses yeux bleus éclatants. Ormaïn, de nature timide, était troublé par son ton malicieux et le regard qu'elle lui portait, mais il ne pouvait détacher son regard du sien. « Tu parles de différence d'âge, tu sais pourtant que je suis père ?» lui indiqua Ormaïn. « Tu étais très jeune, ça ne compte guère. »« Alors si c'est comme cela que tu le considères, » répondit Ormaïn, « Zuko pourrait savoir comment retrouver ton point de départ, il aura peut-être une idée. » suggéra Zélé. Celui dont j'ai usurpé l'identité pour les festivités? Celui-là même. C'est un dingue de science. Il pourra proposer des méthodes auxquelles je n'ai pas pensé. Alors tu vas lui dire toute la vérité, demanda Ormain. Non, enfin, je me contenterai à l'essentiel, autant que possible. Si jamais il ne trouve aucune solution sans fait concret, je lui dirai tout. Nous pouvons avoir toute confiance en lui. Depuis les festivités de fin d'année, Zélé n'avait pas recontacté Zoku. Comme toujours, elle lui passait directement chez lui pour pouvoir s'entretenir avec lui puisque le joindre sur son implant était impossible, il ne répondait à aucun message, aucune tentative de discussion n'aboutissait, bien trop occupé qu'il était, dans son laboratoire, penché sur différentes observations et expériences. À l'instar de la plupart des Upléens de l'espèce Nifienne, Zoku vivait dans une maison troglodytique, à l'extérieur de la capitale. Sa demeure était située dans la faille Mzibokoe, au nord du palais royal. La façade, étendue, était la plus large de la cité encastrée et possédait une large plateforme d'atterrissage. C'était plus à son père que Zoku devait son confort qu'à ses revenus aléatoires. Il se souciait peu de l'argent et travaillait simplement par passion. Son père, comme Ko, était consul et passait sa vie au sein du comète et revenait rarement sur sa planète natale. Zélé avait vite soupçonné que la promotion de Zo avait servi à éloigner le plus possible le politicien de son fils pour l'empêcher de le convertir à la politique. Quant à la mère de Zoku, elle était décédée des années auparavant. C'était même sa mort qui avait rapproché Zélé et Zoku. Pour éviter que son fils ne souffre trop de la perte de sa mère, Zo avait prié la reine de permettre à leurs enfants de passer davantage de temps libres ensemble. Et ce fut sans doute à cette époque qu'ils convinrent de la future union de leur progéniture. Elle le trouva, comme à son habitude, dans son laboratoire, à croire qu'il ne quittait jamais cette pièce et que quelqu'un devait lui apporter ses repas. La princesse n'imaginait pas d'autre possibilité, elle doutait qu'il ne sortît de cet endroit ne serait-ce que pour aller chercher une collation. Il avait sa visière jaune transparente devant les yeux, il ne la quittait sous aucun prétexte. Elle lui servait de scanner, d'appareil photographique et vidéo, de microscope, et remplissait également la simple fonction de lunette correctrice, sans qu'il y ait de verre à changer. L'ajustement de la correction de la vue se faisait automatiquement. Le look vestimentaire de Zoku était loin d'être soigné, et ceci se remarquait au premier coup d'œil. Il portait toujours un t-shirt court, à col échancré et sans manches, un pantacourt ample, et gardait ses pieds nus. Son cuir était coupé de façon très courte et circulaire, autour de son crâne, avec deux petits bouts retombant légèrement de chaque côté de sa narine frontale, créant ce qui se serait rapproché de deux mèches. Il ne tentait en rien de simuler les taches vertes sombres qui se formaient sur sa tête. C'était une maladie de peau courante chez les Upléens, et la plupart les maquillaient avec du fond de teint, ou portaient leur cuir long et teinté en opaque. Son visage, doux et juvénile, était illuminé par des yeux subtilement rieurs, et le léger sourire toujours affiché au coin de sa bouche. Pour la première fois, Zélé prit le temps de considérer vraiment son physique. Il était plus petit qu'elle, comme n'importe quel Upléen, et son implant lui retourna qu'il mesurait 6 cm de moins qu'Ormaïne, et que sa carrure était plus fine. Ormaïne ne paraissait déjà pas large d'épaules, mais Zoku était vraiment dénué de muscles. Il avait réellement l'aspect d'un gringalet. Zoku, comment vas-tu? Malgré la douceur avec laquelle elle avait parlé, la princesse était parvenue à le faire sursauter. Pendant qu'il épongeait la solution qu'il venait de renverser sur sa paillasse, Zélé s'approcha de lui. Princesse Zélé, vois ici. Je vais bien. Qu'en est-elle de voix? Zoku, je ne m'attendais pas, mais elle est difficile de te joindre. Ma santé est on ne peut plus excellente. Ça ne t'a pas trop ennuyé de ne pas assister aux festivités? Princesse Zélé, vous savez bien que j'ai horreur chaque année d'y aller. Et j'ai vu que vous m'aviez trouvé un remplaçant. Cependant, je crois que vous avez oublié de le présenter, car partout, il a été cité comme étant moi. Zoku, voilà que tu as lu la presse à ragots. Ça ne te ressemble pas. Princesse Zélé, il n'y a pas qu'un type de presse qui en ait parlé, et mon père lui-même est venu me trouver. Il était ravi que nous ayons enfin dansé ensemble et que les journalistes parlent de notre futur mariage. Je le laissais parler, je n'avais rien à lui répondre. Zoku, merci pour ta discrétion. Je viens de voir dans un autre but précis. As-tu déjà étudié la planète Émeraude? J'entends par là... As-tu déjà fait des recherches personnelles pour vérifier la véracité des informations circulant à son sujet sur le Rezark? Malgré ce que Zélé venait de lui dire, et qui pouvait être assez inattendu, Zoku ne s'étonna pas vraiment, il semblait plus réfléchir. Comme il utilisait peu son implant, préférant trouver les réponses à ses questions de lui-même en se creusant sa véritable cervelle, toutes ses connaissances étaient saisies dans des livres électroniques. Il parcourut ce qu'il avait à sa portée, les remit soigneusement à leur place et alla en prendre d'autres, rangées dans une immense armoire. « Zoku, tu as autant de livres parce que tu en utilises un différent pour chaque domaine ou sujet traité, ou parce que leur mémoire est saturée ?»« Princesse Zélée, pour les deux raisons. » Il répondit sur le ton le plus anodin qui soit, continuant à fouiller ses étagères, attrapant par moments un livre parmi les autres et le lisant rapidement avant de le remettre à sa place et à continuer à fouiller. Zélée ne savait trop ce qu'il faisait, mais elle avait l'habitude de le voir s'agiter soudainement. Zoku devait se parler à lui-même puisqu'elle le percevait quelques mots. La vie écartée qu'il menait était pour beaucoup dans ses discours solitaires. En y réfléchissant, Zélée l'avait déjà surpris en pleine conversation avec lui-même lors de plusieurs visites. Les premières fois, elle était sûre qu'il devait être en train de parler avec un collègue sur le réseau, et qu'il parlait à voix haute pour mieux se concentrer dans ses hypothèses. Mais Zoku lui avait appris plus tard qu'il n'utilisait presque jamais son implant, et en aucun cas pour converser. Il préférait utiliser les vieilles technologies. Il n'appréciait pas certains côtés des implants qui rendaient le cerveau dépendant à l'outil. La princesse n'avait pas entièrement approuvé son discours et n'était pas prête à revenir aux anciennes méthodes de communication qui étaient déjà obsolètes à sa naissance. Princesse Zélée, le voilà. Avant de disposer des outils suffisamment puissants pour étudier ce que je voulais, j'avais étudié le système Reas, les débris à la dérive, les astéroïdes, les satellites de la planète Émeraude et la planète elle-même. Zoku, c'est fabuleux. Si tu avais utilisé ton implant depuis toujours, tu n'aurais pas passé autant de temps à chercher. Tu aurais immédiatement su où tu avais rangé ce livre. Ou mieux, tu n'aurais pas eu à consulter ce livre. Princesse Zélée, et si jamais mon implant m'était enlevé, je n'aurais plus la moindre mémoire. Zoku, bien sûr que si. Tu dramatises toujours. Princesse Zélée, pendant vos cours, je sais que vous êtes déconnectée du Rézarc. Vous allez prétendre que votre mémoire est efficace pendant ce laps de temps? Zoku, la connexion finit par revenir. Et puis, pourquoi ton implant te serait-il enlevé? Alors, qu'avais-tu découvert lors de tes études? Princesse Zélée, rien de plus que ce qui est disponible sur le réseau, je suppose. D'ailleurs, c'est moi qui ai rédigé la plupart des informations disponibles sur cette planète. Le temps passe vite, dites donc. Ça me paraît tellement loin que j'ai du mal à croire que je ne l'ai jamais fait. Zoku, tu veux dire que presque tout ce qui peut être trouvé comme données sur la planète Émeraude provient des études d'une seule personne? Princesse Zélée, c'est bien probable. Zoku, mais c'est scandaleux. Enfin, si les données étaient fausses. Princesse Zélée, permettez-moi d'en douter. Zoku, d'accord, tu es très consciencieux, mais on ne sait jamais. Et puis, comme c'était il y a longtemps, tu ne possédais pas les connaissances, les capacités d'aujourd'hui. Tu as fait des erreurs, personne ne les a jamais corrigées. Princesse Zélée, vous avez tout à fait raison, mais ce ne sont que les données d'une planète morte qui ne peut rien apporter de plus que n'importe quel autre caillou, refroidi. Beaucoup de scientifiques alimentent le Rézarc de manière très rigoureuse. Cependant, en ce qui concerne le sujet de la planète Émeraude, je suis sans doute le seul à m'y être un tant soit peu intéressé. Zoku, ce n'est plus le cas. Et j'avais te demandé de t'y intéresser de nouveau. Peut-être que Zoku avait mené ses recherches des années auparavant, mais il n'y avait pas pu se tromper au point de faire passer une planète viable pour une planète morte. Zélie ressentit une certaine déception à cette annonce. Elle aurait aimé être surprise et découvrir qu'un autre monde pouvait accueillir la vie dans leur système solaire. Il n'y avait aussi rien de plus surprenant que d'avoir la confirmation que les données du Rézarc étaient véridiques. En général, les visites que Zélée rendait à Zoku étaient brèves, l'un et l'autre n'ayant pas grand-chose à se dire. Ils s'appréciaient mutuellement, mais leurs échanges étaient limités. Et là, pour la première fois de leur vie, ils se lançaient dans une véritable discussion. Zélée avait besoin de lui, et il était ravi de lui venir en aide. « Zoku, ce n'est pas grave pour la planète Émeraude, tu ne fais que confirmer ce que nous savions déjà. » J'aurais autre chose à te demander. Comment t'y prendrais-tu pour déterminer le point de départ d'un vaisseau spatial une fois que celui-ci serait arrivé à destination? Princesse Zélée, que voulez-vous que je vous réponde? Il faudrait consulter l'IA de bord. Tout le plan de vol y est enregistré, comme vous la savez. Zoku, en supposant que le vaisseau se soit écrasé et que les données soient perdues, comment t'y prendrais-tu? Princesse Zélée, on pourrait étudier les résidus de roches présents sur la coque, mais ce serait un mode opératoire très long et très hasardeux. Pourquoi ne pas demander directement au pilote d'où elle vient? Ou si Vel est morte, Vel pourra toujours être génétiquement identifiée? Zoku, tu ne vois aucune autre méthode. Princesse Zélée, vous ne faites jamais de mystère et votre question me laisse perplexe. Ce n'est pas dans votre habitude d'émettre des hypothèses. Qu'est-ce qui vous amène exactement? L'air interpellé de Zoku, et il était extrêmement rare que le visage de Zoku exprimât autre chose que la concentration, déstabilisa Zélé un temps. Elle avait une confiance aveugle en Zoku. Telle qu'il lui posait la question, la tentation était trop grande pour qu'elle y résistât davantage. Elle se retrouvait enfin dans la situation inéluctable où elle allait pouvoir tout dire à quelqu'un sans crainte aucune. Elle respira un grand coup et laissa sortir tout ce qu'elle avait à dire d'un trait sans réfléchir plus longtemps, sinon elle savait qu'elle allait s'égarer tellement la situation qu'elle avait créée était incongrue. Zoku, un étranger est planqué dans mes quartiers, j'ai le garde caché du monde depuis des semaines, et il dit qu'il vient de Nikéas, une planète que nous n'arrivons pas à identifier. Le peuple de son monde est exploité par un autre, et il s'est enfui pour trouver de l'aide. Et je n'ai pas la moindre idée d'où chercher pour trouver son point de départ. Étudier une à une les planètes viables non membres du comète prendrait un temps fou. Ormaïn, c'est son nom, a même pensé qu'il pouvait être originaire de la planète Émeraude. Il est tellement désespéré qu'il prendrait n'importe quel monde pour le sien. Loin d'avoir abasourdi Zoku, la nouvelle l'avait rendu incroyablement enthousiaste. Il trépignait d'impatience, pour que Zélé lui racontât toute l'histoire depuis le début. Comment elle l'avait trouvé, où avait eu lieu le crash, comment ils avaient appris à communiquer au tout début, quelles étaient les caractéristiques de cette nouvelle espèce. La princesse était tellement heureuse de se confier qu'elle partagea ouvertement tout ce qu'elle savait. Toutefois, elle garda pour elle les détails de la subtilité de leur relation. Quand Zélé lui avait dit qu'il s'agissait d'une espèce non répertoriée sur le réseau, il s'était imaginé une créature étrange et complètement différente d'eux. Une ombre de désappointement passa dans ses yeux quand elle lui expliqua qu'il était constitué comme n'importe quel nifien pour la morphologie, et qu'il avait la même peau qu'elle. Zoku fut étonné d'entendre Zélé parler ainsi de ses différences physiques, différences que jusqu'alors elle taisait totalement, comme si elle avait porté la même peau que ses concitoyens. Une aisance et une meilleure acceptation de sa condition se discernaient dans ses propos. « Princesse Zélé, vous êtes en train de me dire que vous avez accès au cratère vert, que c'est votre espace privé ? Zoku, il n'y a pas de mal, les lieux n'ont subi aucun dommage à mon installation. Au contraire, la reine Zeninuma a transformé l'endroit en réserve naturelle pour moi. » Princesse Zélé, la population entière ignore que vous vous y rendez. Zoku, tu sais bien que l'image diffusée de moi est trafiquée. Alors en quoi s'étonner que je passe du temps dans mon oasis? Princesse Zélé, votre oasis? J'étais au courant de la retouche sur votre image diffusée, mais j'ignorais que votre maladie de peau vous a forcé à vivre ailleurs. Mais vous avez raison, là n'est pas la question. Vous dites que le vaisseau s'est écrasé et que l'Iliade Bor est hors service, mais que le passager va bien. Alors pourquoi les données du plan de vol ne seraient-elles pas récupérables? Zoku, il n'y a aucune connexion possible, j'ai déjà essayé. Princesse Zélé, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas experte comme je la suis. Si cet appareil n'a pas été pulvérisé, je ferai parler ces circuits. Zoku, comment comptes-tu t'y prendre? Princesse Zélé, vous allez m'emmener dans votre oasis et je vais être obligée de quitter mon foyer pour la première fois depuis tellement longtemps que j'ai oublié à quand remonte ma dernière escapade à l'extérieur. Zoku grimpa aux côtés de la princesse dans son véhicule royal et ils ne perdirent pas davantage de temps. L'héritière mit le cap tout droit vers l'oasis et contacta Ormaïn depuis le Rézarque pour le prévenir de leur arrivée. Les présentations stressaient davantage Zélé qu'Ormaïn. Dans la même journée, elle révélait son accès privilégié au cratère vert et allait présenter son protégé à un étranger. Zélé révélait tant de choses sur elle à Zoku en si peu de temps, elle doutait d'avoir jamais été aussi franche avec lui. Ormaïn, en revanche, n'était pas anxieux. Il était simplement curieux de parler avec quelqu'un d'autre. Son excursion dans Zélaïdo l'avait amusé, la conversation avec le militant masculiniste l'avait passionné, et il aurait aimé pouvoir échanger plutôt que de rester muet et de simplement assister à une querelle entre deux opposants. L'Upléen et le Nikéen se comprirent immédiatement. Ormaïn parlait sa langue maternelle et l'implant de Zoku traduisait automatiquement ce qu'il disait en Upléen grâce à l'application implantaire que Zélé lui avait fournie, et inversement pour qu'Ormaïn comprit l'Upléen de Zoku. La princesse lui fit admettre à contre-cœur qu'en l'occurrence, l'implant se révélait un atout non négligeable. Zélé parlait toujours la langue d'Ormaïn en sa présence, elle éprouvait un réel plaisir à émettre des sons si mélodieux. Rien n'a changé depuis le crash. Goba m'a simplement aidé à dégager la porte du sas pour que je sorte Ormaïn de là. Je n'ai vu que lui dans le cockpit, mais après il m'a parlé du véritable pilote qui était dans le lit couché au-dessus. Ormaïn, vous êtes venu à bord de cet engin ? S'étonna Zoku. C'est vrai que c'est un vieux vaisseau, lui dit Zélé. Princesse Zélé, un vieux vaisseau, c'est pire qu'une relique. C'est de la folie de voler avec des engins pareils. Je n'arrive pas à croire qu'elle en existe encore. C'est tout bonnement fascinant. Le trio pénétra à l'intérieur pour que Zoku puisse brancher ses appareils directement au tableau de bord. Avant d'entrer dans le cockpit, Zoku jeta un œil à la partie supérieure complètement compressée où le cadavre du pilote se décomposait. Le jus organique avait fini par sécher. Princesse Zélée, le pilote était un Curiamus à pointe. Oui, mon implant m'a permis de tout de suite l'identifier avec la couleur caractéristique de son sang, lui répondit Zélée. Princesse Zélée, les Curiamus à pointe viennent de S. Daco de Lilloin, et ce modèle de vaisseau est fabriqué sur Mantramis. Ces deux planètes ne sont pas membres du comète, les informations diffusées à leur sujet sur le Rézark ne sont pas soumises à nos lois. Elle se pourrait qu'Ormain vienne de S. Daco de Lilloin, ou Mantrimbis. Mantrimbis, s'étonna Ormain. C'est une planète située dans le bras du Cygne. Elle est bien trop éloignée, je ne crois pas que tu viennes de là-bas, répondit Zélée. De plus, les Mantrini ont une forte volonté d'entrer dans le comète, et je doute que leur honorabilité puisse être remise en cause. Leur démarche est sincère. Leur culture et mœurs se sont significativement pacifiées au fil des siècles. Je les imagine mal devenir des marchands d'esclaves, expliqua Zélée. Princesse Zélée, elle semblerait que ville ne soit pas tous si irréprochable en fin de compte. Zoku, tu vas accuser les Mantrini de ne pas surveiller qui conduit les vaisseaux que Viel fabrique? Princesse Zélée, ce n'était qu'une plaisanterie. Bon, allons faire un brin de causette avec l'IA de bord. Les branchements étaient choses rares, les câbles n'existaient plus, tout se faisait par transmission sans fil, et voir Zoku sortir sur son attirail pour brancher ses prises était une première pour Zélée. Pour Ormain, c'était passionnant. Cette technologie lui paraissait plus intéressante et compréhensible que cette magie de l'implant invisible dont Zélée l'avait équipé. Il ne voyait aucun outil improbable pour accéder à tout ce que l'implant U promettait. Alors qu'avec le matériel de Zoku, il contemplait des diodes clignotantes, des signes sur des cadrans et même des sons électroniques. C'était là pour lui que se trouvait la véritable technologie. « Zoku, arrives-tu à quelque chose ?» lui demanda Zélée. « Princesse Zélée, c'est bon, je télécharge les données. »« Zoku, sur cet appareil ? Tu ne les télécharges pas directement sur ton implant ?» lui demanda Zélée. « Princesse Zélée, ce vaisseau vient d'on ne sait quelle planète et contient je ne sais quelles données. Je ne vais certainement pas leur permettre de s'installer dans mon cerveau, » répondit Zoku. « Zoku, tu es paranoïaque. Que veux-toi que des données te fassent ? Princesse Zélée, elle vaut mieux être prudente. » « Zoku, peux-tu nous dire quelles étaient les coordonnées de départ du vaisseau à présent ? Princesse Zélée, demain ou plus tôt. Pour le moment, j'ai récupéré tout ce que Viel y avait à sauver et maintenant je dois tout trier. » Avec un peu de chance, j'arriverai à réanimer l'IA et la tâche me sera grandement facilitée. Elle me communiquera tout ce que je voudrais savoir. Au pire des cas, je devrai trier tout le code et je dois retrouver les fiches techniques de ce modèle, ce qui en soi ne sera pas une mince affaire. Ce vaisseau date d'avant le Rézark. Il n'est pas garanti que ces informations techniques aient jamais été diffusées. Tout ce temps passé hors de l'Oasis avait épuisé Zélée et elle avait besoin d'une cure d'humilité. Pendant qu'Ormain raccompagnait Zoku jusqu'au véhicule de la princesse qui lui prêtait pour qu'il rentrât chez lui seul, elle défit sa robe pour dévoiler un maillot de bain qu'elle portait en dessous et piqua une tête dans l'étang. « Dis-moi, Zoku, est-ce que tu sais des choses à propos de votre autre planète, Ormain, la planète Émeraude ?»« Oui, Zélée m'a dit que tu t'es intéressé à l'astronomie. Ormain, les cailloux refroidis ne sont pas ma spécialité, je m'intéresse aux satellites abritant la vie. » Justement, comment être sûr qu'il s'agisse d'un caillou refroidi? Ormain, cette planète a été étudiée, et il y a longtemps, et il n'y a aucun doute possible sur sa non-viabilité. Mais la planète habitable connue la plus proche est à des huitaines de jours. Je sais que mon voyage n'a pas duré si longtemps, répondit Ormain. Ormain, les données du vaisseau sont récupérées. Dans quelques jours, nous saurons de quoi il en retourne, conclut Zoku. L'identification du point de départ du vaisseau Aénette de Bérère pris 2 jours à Zoku. Son scénario le plus pessimiste, devoir rechercher les fiches techniques d'un vaisseau retiré du marché avant la création du Rézark, ne se produisit pas. Au contraire, l'extraction de la mémoire fut étonnamment facile et parvint même à réanimer l'intelligence artificielle de bord qui lui communiqua le plan de vol ainsi que les coordonnées exactes du lieu de décollage de l'appareil sur la planète d'origine et effectua un diagnostic pour connaître la raison du crash. Depuis le passage de Zoku dans l'Oasis, Ormain ne tenait plus en place. Ces 2 jours lui parurent interminables. Il ne cessait de tenter d'établir une connexion pour être informé de toute évolution dans l'avancement des recherches, mais Zoku, ne répondant déjà que très rarement aux appels, détestait être dérangé en plein travail et ne comptait pas donner signe de vie avant que ce fût fini. Dans sa logique, il ne voyait même pas l'intérêt de contacter la princesse ou l'étranger alors qu'il n'avait pas les résultats. Et puis quand il avait quelque chose en cours, Zoku n'en décrochait que lorsqu'il avait terminé. Il ne dormait pas et devait sans aucun doute oublier de s'alimenter. La notion du temps lui échappait et ce n'était qu'une fois le travail achevé qu'il se demandait quelle était la date du jour. Cette situation rendait Ormaïn littéralement fou et il en était presque venu à supplier Zélé de se rendre chez lui pour prendre des nouvelles. La princesse n'avait de cesse de lui expliquer qu'elle connaissait la manière de procéder de son ami d'enfance et qu'il fallait faire preuve de patience. Ormaïn ne voulait rien entendre et en serait presque devenu paranoïaque en inventant toutes sortes d'événements qui auraient pu arriver à Zoku l'empêchant de les contacter. Connexion. Princesse Zélé, tout a fonctionné, j'ai récupéré les données que vous souhaitiez. Zoku, enfin des nouvelles. Elle était temps. Ormaïn commençait à m'inquiéter. Alors, est-ce une planète identifiée ou un monde inconnu? Princesse Zélé, elle vaut mieux que je passe vous voir au cratère vert. Zoku, très bien, nous t'attendons. Fin de connexion. L'annonce de l'arrivée imminente de Zoku soulagea Ormaïn. Il en retrouva l'appétit, il fait prix d'une fringale et se gava de verdure avec Goba, grimpant sur le dos du Bololoko pour cueillir des fruits trop hauts, perchés. Pendant qu'il avait le dos tourné, Zélé alla à la rencontre de Zoku. Elle tenait à avoir l'information avant Ormaïn, ses quelques secondes gagnées lui permettraient d'effectuer des recherches sur le Rezark sur son lieu d'origine et d'être en mesure de présenter les choses de manière complète à Ormaïn. Zoku, tu as assez fait durer le suspense. D'où vient-il? Princesse Zélé. Ormaïn n'est pas avec vous? Zoku, il se restaure, cela fait 2 jours qu'il n'a rien avalé. Alors? Princesse Zélé, sachez que j'ai tout recalculé et vérifié des 8aines de fois, et qu'aucune erreur n'est possible. Zoku, tu n'as pas besoin de la préciser. Je sais à quel point tu t'acharnes à être minutieux. Et donc, d'où vient-il? Princesse Zélé, ce ne peut être que de la planète Émeraude. Je ne comprends pas moi-même comment c'est possible. Aurais-je commis des erreurs dans mes observations passées? Le choc avait tellement abasourdi la princesse qu'elle avait stoppé inconsciemment les tâches qu'elle effectuait en simultané sur son implant U. Elle pouvait oublier les recherches sur le Rezark, toutes les informations qu'elle pourrait trouver correspondraient à la vision qu'Ormaïn avait expérimentée lors de la visite virtuelle. Ni plus ni moins. Alors qu'elle reprenait mentalement ses tâches, Ormaïn se joignit à eux et demanda avec animation sous quel nom était connue sa planète et quelle était sa situation dans la galaxie. Ce fut Zoku qui dut lui répondre, Zélé n'était pas encore capable d'annoncer la nouvelle et restait muette devant une telle annonce. Toutes les allégations d'Ormaïn l'avaient fait rire ou irriter. Mais jamais elle n'aurait pu les prendre au sérieux. Ce que disait Zoku ne pouvait être que la pure vérité. Il ne pouvait se tromper, et c'était là tout le problème. Comment accepter pareille révélation? Comment même y croire? Je savais bien ce que je disais, je n'ai pas été inconscient pendant 2 jours. Tu sais combien de temps mon voyage a duré? Demanda Ormaïn à Zoku. Ormaïn, oui. L'IA de bord m'a tout fourni en temps universel. Cela correspondrait à 5 jours et demi upléens et à 3,7 jours de la planète Émeraude. Tu sais ce que vaut une journée sur ma planète? S'étonna Ormaïn. Ormaïn, bien sûr. Même si elle semblerait que toutes les informations que j'ai recueillies à son sujet soient fausses, je doute que ce soit le cas quant à celles qui concernent son temps de rotation. Zoku s'approcha de Zélé qui n'était pas sortie de son mutisme. Princesse Zélé, pour mieux comprendre la situation, je vais effectuer des recherches approfondies sur toutes les études menées par les planétologues que je pourrais trouver et qui ne sont pas publiées sur le Rezark. Planétologue? Ce mot réveilla un souvenir extrêmement lointain dans l'esprit de Zélé. Si lointain qu'il lui venait de sa propre mémoire, et non pas des souvenirs automatiquement stockés dans son implant U. Comment se faisait-il qu'elle s'en rappelait uniquement maintenant? Parce qu'à l'époque où Mimicha lui avait parlé de ses parents et de leur profession, Zélé était jeune, n'était pas au point dans l'utilisation de son implant, et ne savait pas encore enregistrer automatiquement ses souvenirs. Mimicha pouvait peut-être leur apporter des informations sur la planète Émeraude. Ses parents, planétologues, avaient été spécialisés dans l'étude des planètes habitées isolées de la galaxie, comme leur planète Terre. Lors de l'une de leurs conversations, la jeune Zélé avait demandé à Mimicha si les Terriens avaient aussi des parents, et s'ils étaient élevés par eux. Mimicha lui avait répondu qu'elle avait en effet eu une mère et un père, qu'ils étaient planétologues, et qu'ils étudiaient plus particulièrement les planètes abritant la vie et isolées du comète, comme c'était le cas de la Terre. Leur but premier était de suivre l'histoire de ces planètes reculées, qui arrivaient à faire commerce avec le reste de la galaxie. Comment elles avaient pris connaissance de la vie dans d'autres systèmes, si éloignés, comment les accords s'étaient déroulés, et comment elles avaient pénétré le marché. Les humains ayant perçu l'existence d'une activité alien intersidérale, il fallait se lancer pour faire évoluer la Terre, qui en était à leur préhistoire comparée aux autres. C'est grâce à ses études que Mimisha avait eu vent du système Reas. À la mort de ses parents, Mimisha n'avait jamais abordé le sujet de leur disparition, elle s'était rendue sur Ubléas pour recommencer une nouvelle vie, loin des tourments de la Terre. Zélé se rappelait ces mots exacts de l'époque. Les tourments de la Terre. Qu'avait-elle voulu dire par là? Enfant, la princesse n'avait pas compris, et tant d'années plus tard, elle n'était pas sûre de pouvoir tirer des conclusions. Peut-être que Mimisha va pouvoir nous aider, leur dit Zélé. Princesse Zélé, votre dame de compagnie? Oui, c'est grâce aux travaux de ses parents qu'elle a connu Pléas. Ses parents ont sûrement étudié tout le système Reas, peut-être a-t-elle conservé le fruit de leur travail. Même si elle est toujours demeurée secrète à propos de son passé avec moi, je sais qu'elle y est très attachée, et elle doit avoir gardé ce qui l'a amenée ici. Que fait-on alors? Demanda Ormaïn. Maintenant que ta planète est identifiée, Ormaïn, nous devons comprendre pourquoi les informations publiées à son sujet sont trafiquées. Si Mimisha dispose de données, nous pourrons les utiliser pour retrouver à partir de quand cette censure a commencé. Princesse Zélé, allez-vous en parler à la reine Zinnouma? C'est inutile pour le moment, je préfère la mettre au courant quand je disposerai de vrais éléments. Princesse Zélé, ne croyez-vous pas que Vel soit impliquée? Zoku, je t'interdis de tenir tel propos au sujet de la reine Zinnouma, en ma présence ou non. Comment l'idée de la croire impliquée dans pareille intrigue peut te traverser l'esprit? Ce sont des propos de masculiniste, s'énerva Zélé. Princesse Zélé, toutes mes excuses. Je ne voulais en rien manquer de respect à la reine Zinnouma ou à votre personne. Dois-je effectuer des recherches de mon côté? Zoku, toi le peu. Je vais voir Mimisha sur le champ. Zélé regagna le palais avec Goba. Zoku utilisa le véhicule de la princesse pour rentrer chez lui et Ormaïn resta sur place, comme toujours, saisi d'un grand sentiment d'impuissance. Maintenant que ce monde avait été repéré, il devait attendre que Zélé alla trouver sa servante et que Zoku continuât à ne pas donner de nouvelles, à moins d'avoir mis la main sur l'information du siècle. Sa situation était plus simple quand il était encore dans l'ignorance. À présent, il savait et ne pouvait rien faire, c'était insoutenable. Au palais, la princesse trouva Mimisha dans sa chambre de bonne, qui était mitoyenne à ses appartements. Il était normal qu'elle soit chez elle à 7 heures. Il était l'heure de la deuxième phase de sommeil. Toutefois, Zélé s'en voulait terriblement d'avoir abandonné son amie et de revenir vers elle uniquement parce qu'elle avait un service à lui demander. « Princesse Zélé, les travaux de mes parents ?» s'étonna Mimisha. « Mimisha, oui, les as-tu conservés ? Je suppose qu'étant donné vos études archaïques, tes parents devaient noter leurs travaux sur des livres électroniques, ou mieux, sur des supports matériels ?»« Princesse Zélé, dans des cahiers écrits à la main ou des impressions papier, avant de les retranscrire sur support numérique. » Mimisha, leur recherche concernait-elle uniquement Eupléas ou aussi la planète Émeraude, la seconde planète de notre système? Princesse Zélé, une réponse est difficile à donner. Elle faudrait consulter leurs travaux pour en être sûre. Mais connaissant leur assiduité, j'en pencherais plutôt pour les deux. Mimisha, as-tu conservé ces documents? S'impatienta Zélé. Princesse Zélé, que voulez-vous en faire? Cela fait tellement longtemps, je ne sais plus ce qu'ils sont devenus. Mimisha, réfléchis, c'est important. J'en ai besoin. Princesse Zélé, vous en avez besoin? Votre implant ne vous a-t-il pas permis d'accéder déjà à ce que vous voudriez savoir? Mimisha, c'est déjà assez compliqué comme cela, je t'en prie. Réfléchis-y bien. Je te laisse dormir, mais j'aimerais que tu sois en mesure de me répondre dès demain. Princesse Zélé, la nuit porte conseil. Mimisha, quoi? Princesse Zélé, rien, un proverbe. Bon sommeil. Anxieuse, Zélé ne trouvait pas de sommeil. Elle était allongée de tout son long dans son libule, assurant l'humidification de l'air comme dans l'oasis. Elle avait beau diviser son esprit en autant de tâches simples qu'elle le pouvait, elle ne parvenait pas à oublier son corps, ses nerfs étaient tendus, et elle avait envie de bouger, de tout faire sauf de rester couchée. Tant de questions se bousculaient dans sa tête. Comment aurait-elle pu dormir? Elle était nerveuse et excitée à la fois. C'était grisant de penser qu'un monde que l'on croyait connaître venait de révéler une toute nouvelle face. En même temps, cette histoire était terrifiante. Bien que Zélé ait immédiatement défendu l'honneur de sa mère face à Zoku, elle ne pouvait s'empêcher de questionner sa respectabilité. Dans une telle affaire, était-il possible que Zinnouma ne sût rien? Une infime part de Zélé lui soufflait que cela ne se pouvait pas. Et tout le reste de son être lui criait tout le respect qu'elle devait à la reine, qu'elle était l'être le plus droit, le plus noble et le plus intègre de la surface du Pléas. Depuis le Résarque, Elle retraça le règne exemplaire de sa mère et alla aussi trouver ce qui était disponible sur son enfance et ses débuts en politique. Zenouma était l'exemple qu'elle s'efforçait de suivre. Elle prenait chacune de ses décisions en se demandant ce que sa mère ferait. C'était un fardeau si lourd que celui de poursuivre le règne de Zenouma la juste. Zélé savait toutefois qu'elle avait encore quelques années devant elle avant de devoir lui succéder sur le trône. Elle savait que sa mère ne céderait sa place qu'à sa mort, et cela convenait parfaitement à l'héritière. Dès le lendemain, sans avoir eu besoin d'être appelée, Mimicha vint trouver Zélé. Elle savait où étaient les travaux de ses parents. « Princesse Zélé, les documents sont sous protection dans les coffres des quartiers de haute sécurité de Vix, une ville située sur la planète Ida. Mes parents voulaient que leurs travaux soient bien conservés et à l'abri de tout risque de destruction. Cela date d'avant mon arrivée sur Eucléas. Jeanne me rappelle que j'allais accompagner quand ils y sont allés pour les déposer. J'ai retrouvé les codes d'accès. » Mimicha se souvient de tes revenus qu'hier, princesse Zélé. À l'époque, j'ignorais ce qu'elle était allée cacher là-bas. Jeanne me rappelle de chemises pleines de documents papier. Maintenant, je sais ce qu'elles contenaient. Mimicha, pourrais-toi te rendre sur Uda et me les rapporter? Princesse Zélé, cela impliquerait que j'acquitte Upléas. Mimicha, tu en reviendrais. Je te demande d'aller là-bas et de revenir. Princesse Zélé, le palais est mon toit depuis mon arrivée et je n'ai presque jamais quitté les lieux, ne serait-ce que pour aller à Zélaïdo. Et lors de mon embauche, la reine Zenouma m'a bien signifié que c'était ici que je devrais vivre jusqu'à ce que vous me renvoyiez et... Mimicha, tu n'es pas renvoyée et ça n'arrivera jamais. J'ai besoin de voir de ces documents. C'est très important. Je t'expliquerai peut-être pourquoi un jour, mais pour l'instant, elle me les faut de toute urgence. Princesse Zélé, le voyage prendra des semaines. Mimicha, allons, je suis certaine que tu seras revenue avant même que le soleil artificiel ne soit désactivé. Tenta de la rassurer Zélé. Se rendre au cœur du comète prenait des semaines. Upléas était situé sur l'extérieur de la galaxie. Il fallait rejoindre en navette la ligne de vaisseau qui parcourait le bras de Persée, pour ensuite prendre une autre navette qui conduirait l'humaine jusqu'au trou de ver le plus proche. Sur le réseau, Zélé réserva un billet aller simple pour Mimicha, préférant lui laisser le choix de la date du retour, quand elle aurait récupéré les documents de ses parents. Peu importait l'impatience d'Ormaïn, s'il devait attendre des semaines, il n'était plus à un jour près, et Mimicha pouvait bien disposer de quelques vacances, de prendre le temps de visiter la planète où elle se rendait, de faire quelques escales pour se reposer avant de rentrer sur Upléas. Zélé savait bien qu'elle se mentait à elle-même, à penser que ce seraient des vacances pour Mimicha. Quitter Upléas et s'aventurer seule dans la galaxie allait être pour Mimicha un cauchemar. La Nifienne la connaissait assez bien pour savoir qu'elle était de nature anxieuse et qu'elle s'affolait dès qu'elle devait accomplir sans aide quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. « Mimicha, ton billet est réservé. J'avais informé ma mère de ton départ. Je vais la dire que tu as repris contact avec des membres de ta famille et que tu vas leur rendre visite. Princesse Zélé, votre mère ne doit pas savoir où je vais. Mimicha, tu dois être très discrète sur ce que je te demande. Tu ne crains rien, sois tranquille, mais je ne préfère pas que ma mère se pose des questions inutilement. Princesse Zélé, les êtres humains ne sont pas très bien vus dans la galaxie, et à vrai dire, les pires ennemis que les êtres humains aient, ce sont eux-mêmes, certains qui ne supportent pas ceux de ma race. Peut-être que la situation a changé depuis, je l'ignore. Tant d'années plus tard, je ne sais quelle tournure les événements que j'ai fui ont pris en définitive. Mimicha, tu te rends sur Uda, tu ne quittes pas le comète. Tant que tu restes à l'intérieur, rien ne peut t'arriver. Si cela peut te rassurer, tout ce que tu as vu peut être mis à ta disposition pour assurer ta sécurité. Mais il faut aussi assurer une certaine discrétion. Princesse Zélé, vous avez raison, je me tracasse pour rien, c'est ma nature. Je me ferai discrète et tout devrait bien aller. Zélé et Mimicha utilisèrent un véhicule privé du palais pour se rendre à la gare au sol, à l'ouest du cratère de la capitale, d'où partaient les navettes menant jusqu'au spatioport en orbite au-dessus du pôle nord de la planète. Des vaisseaux de croisière à destination des plus belles constellations alentour étaient affrétés, et sur les quais voisins, infiniment plus petits, se trouvaient les navettes de ralliement parées au départ toutes les 4 heures. Mimicha, vêtue amplement, chargée d'une seule valise, fit ses adieux à Zélé. Elles restèrent longtemps enlacées, debout sur le quai. Elles avaient toutes deux l'impression qu'elles ne se reverraient jamais. C'était la première fois qu'elles se séparaient. Pour Mimicha, c'était comme se sentir de nouveau seule au monde. Elle allait être livrée à elle-même dans cet univers qu'elle avait refusé d'apprendre à connaître. Heureusement, elle était munie d'un appareil traducteur à oreillettes. Elle n'aurait pas à souffrir d'une totale impossibilité de communication, et puis sur Terre, elle avait appris à parler l'universel. Mais ne l'avait pas pratiqué depuis son entrée au palais. Elle se demandait ce qu'il pouvait valoir aujourd'hui. Après des promesses de retrouvailles prochaines et des larmes, Mimicha entra dans la navette et se rendit dans la cabine qui lui avait été attribuée. Elle y déposa sa valise et elle alla à la vitre, adresser un dernier signe à la princesse. Leurs regards ne se quittèrent que lorsque le véhicule fut très éloigné pour maintenir ce dernier lien.